But if you feel confident with them, continue the recording now with the words and phrases for the next scene, beginning with this construction for telling the time. Il est 8 heures. It's 8 o'clock. Listen and repeat. Il est 8 heures. Now here are the other new words and phrases. As usual. Écoutez le français, l'anglais, le français encore, et ensuite répétez. Here's the first one. Un appel téléphonique. A telephone call. Un appel téléphonique. If the context is clear, that last term is often shortened to just un appel. Un appel. Comment allez-vous? How are you? Comment allez-vous? Ici. Here. Ici. Le petit déjeuner. Breakfast. Le petit déjeuner. À la réception. In reception. À la réception. Note that it's à la réception for in reception, because like à la gare, it's a general area or space.